J'ai tant besoin de toi. Oh, oh. Et moi. Je suis perdu sans toi. Quelqu'un veut prier Dieu et dire Seigneur, aide-moi à voir la parole qui va nous être prêchée. Aide-nous, aide-moi à voir. Ouvre mes yeux afin que je voie. Quelqu'un prie le Seigneur. Dites Seigneur, ouvre mes yeux que je voie ce que tu es en train de dire. Ouvre mes yeux spirituels. Que je voie ce que tu veux me dire ce soir. Afin que j'obtienne ce que tu es en train de dire. Nous obtenons ce que nous voyons. Merci Saint-Esprit. Nous sommes au rendez-vous avec toi et nous te bénissons pour ce privilège. J'évoque ta sainte présence à ces lieux. Je soumets tout esprit et toute chair à l'obéissance à Christ. Je proclame ta seigneurie en ces lieux. J'appelle ta sainte présence. J'appelle la puissance de ta droite et que la gloire de Dieu éclate. En elle était la vie. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci Seigneur pour ta lumière. Par ta lumière, par ton éclairage, fais-nous voir ta lumière. Bénis ta parole, Seigneur. Que tout te soit soumis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous progressons dans notre programme. Tunaendelea ndani ya mpango wetu. Du tournant décisif. Ya kipindi hiki cha tournant décisif. Quelqu'un a-t-il déjà médité même sur ce concept tournant décisif? Je kuna mtu ambaye ameshafikiria juu ya hii neno mzunguko wa kiamzi. Nous devons connaître des moments où le déclic s'opère en nous et que nous prenons de l'envol. Tunapaswa kutambua muda ambao kuna kwa mabadiliko ndani mwetu na tunapanda. L'homme est un mystère. Mwanadamu ni siri. Nous sommes une composition compliquée. Na tunakuwa na viungo ambavyo ni hatari. Et c'est ce qui fait aussi que notre fonctionnement est compliqué. Na ndio maana inakuwa hata mitumikio yetu inakuwa hatari. Et pour certains, na kwa ajili ya watu wote, la manière dont nous sommes confectionnés namna ambao tumetengenezwa, les complique, inawa sumbua. Mais pour d'autres, lakini kwa wengine, la manière dont nous sommes confectionnés, namna ambao tumetengenezwa, leur facilite la tâche, inawarahisisha kazi. Devant un même bénéfice, mbele ya faida moja, devant les mêmes grâces, mbele ya neema moja, pour les uns, kwa wamoja, c'est une complication, inakuwa ni hatari, pour les autres, lakini mbele ya wengine, c'est une opportunité, inakuwa ni fursa. Alléluia. Amen. Je voudrais partager ce soir, ningependa nizungumzie jioni ya leo, sur un sujet, juu ya mada moja. Je prie que Dieu m'aide à le transmettre. Na naomba Mungu anisaidie ili niweze kuwatangazia vizuri. Je disais au Seigneur, mais il faut que tu les aides à comprendre ça. Nilikuwa nikimwambia Bwana uwasaidie waelewe. Samedi et dimanche, siku ya sita na siku ya nous avons parlé du quatrième pilier. Tuliweza kuzungumzia nguzo la nne. L'onction du Saint-Esprit. Et nous avons prié pour être oint. Celui qui est oint s'appelle Messie. Si tu as été oint ces deux jours, ou avant, tu es donc un Messie. Un Messie est compris comme un envoyé. Anaeleweka kama mtu ambaye ametumwa. Et qui dit envoyé dit quelqu'un qui envoie. Na unaposema mtu ambaye ametumwa unaona yule ambaye ametuma. Si je suis un envoyé, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Kama mimi ni mtume ni kusema kuna mtu ambaye amenituma. Et donc un messie, ni kusema masia, c'est un envoyé. Ni mtu ambaye ametumwa. Par quelqu'un. Ametumwa na mtu. Le Père dit de son fils au jour du baptême, Baba anasema juu ya mwana wake, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwana wa en qui j'ai mis toute mon affection, ninayependezwa naye. Écoutez-le. Mumsikilize. Autrement dit, kwa maneno mengine, c'est moi qui le désigne, c'est moi qui l'envoie. Ni mimi ndiye ninamtuma. Musimuonelele. Ne font pas que vous les méprisiez. C'est moi. Ni mimi. Il est mon fils bien-aimé. J'ai mis en lui toute mon affection. Écoutez-le. C'est-à-dire, je l'établis pour ça. Qui dit être établi sous-attend quelqu'un qui établit. C'est pourquoi nous avons parlé de l'importance de connaître Dieu. Parce que lorsque nous connaissons Dieu, nous connaissons celui qui nous établit. Et nous avons essayé de frôler l'identité de celui qui nous établit. Et j'espère que chacun est en train de continuer ses investigations et ses recherches pour sa propre connaissance de Dieu. En fait, le but de ce thème, c'est pour aider quelqu'un à prendre conscience qu'il est établi. Suivez-moi bien. Prendre conscience que je suis établi. Et qu'il y a donc quelqu'un qui m'a établi. Et qui a fait de moi un messie. Et que je suis un messie pour quelque chose. Le messie est envoyé pour un objet, pour un objectif. Il n'y a pas de messie qui est envoyé pour se promener ou pour le loisir. Jésus n'est pas venu sur la terre pour le loisir. Évidemment, la Bible ne donne pas de détails. Il fallait aussi qu'on nous montre là où Jésus est parti, est sorti faire un peu de jogging. Avez-vous déjà lu ça dans la Bible? On voit Jésus en train de faire un peu de sport. Mazoezi. Il était focalisé sur l'objet de sa messianie. Alikuwa anaelekea lengo ya umasia wake. Et qui dit Messie, nanayesema Masia, dit donc un but, anasema lengo, à accomplir. La kutimiza. Et ce but à accomplir, na ile lengo la kutimiza, est conçu par Dieu. Imetengenezwa na Mungu. Voulu par Dieu. Imetakwa na Mungu. Pourvu par Dieu, c'est-à-dire provision par Dieu. Ni kuseme na pewa hakiba na Mungu. Mais exécuté et vécu par l'homme. Lakini inatimilika na mwanadamu. C'est pourquoi il y a le phénomène choix. Ndio maana kuna uchaguzi. Il y a le phénomène but. Kuna kuwa lengo. Il y a le phénomène qualité de la personne. Na kuna kuwa hali ya mtu. Et il y a le phénomène onction. Na kuna pia upako. Et beaucoup d'autres choses que nous ne pourrons pas parler peut-être dans ces programmes. Na mambo mengi sasa moja ambayo tutazungumzia ndani ya mpango huu. Et puis on se retrouve, on est arrivé. Na kisa unajikuta umefika. Au stade où on est établi. Umefikia kiwango ambacho umeshimikwa. J'aimerais partager ce soir. Ningependa nizungumzie jioni ya leo. Sur le processus. Juu ya hatua. Qui conduit à l'établissement. Ambao unaongozwa kwa kushimikwa. Quelqu'un qui vient d'être établi mtu ambaye amemaliza kushimikwa est appelé à comprendre et à retenir un certain nombre de choses. Anaitwa kuelewa mambo fulani. La première chose, jambo la kwanza, il doit clairement savoir qui l'a établi. Anapaswa kujua kwa uwazi nani ambaye amemshimika. Il doit clairement savoir qu'est-ce qu'il est appelé à faire. Anapaswa kujua ameitwa kufanya nini. Et il doit clairement savoir ou connaître ses prérogatives. Na anapaswa kujua haki zake. Ou le mandat. Ama kazi. Ou alors ce qu'il est appelé à faire. Ila ambayo ameitwa kufanya. Lorsque l'esprit me parlait de ce sujet, wakati roho alikuwa akinizungumzia mada hii, avant le tournant, mbele ya kipindi hiki, quand j'ai prié et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'on va parler durant ce tournant? Nilipokuwa nikiomba Mungu nimwambie tutazungumzia nini ndani ya hiki kipindi. Nilimwambia montrer cette affaire ici. Kisha kanionyesha hii jambo. Un homme. Mtu. Qui est établi. Ambaye ameshimikwa. Et qui est terrible. Na ambaye iko hatari. Il est terrible parce que hakuna wa kumuonelelea. Il n'y a personne qui peut les mépriser. Kila kitu anafanya kinafanyika. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Et puis, et je disais, mais Seigneur. Na nilikuwa nikisema Bwana. Mais c'est difficile enseigner des choses comme ça. Si ni vigumu kufundisha mambo kama haya. Parce que si les gens sont établis sans comprendre. Sababu kama ils watu wanashindwa bila kuelewa watafanya makosa. Vous voyez un moment Élisée. Mnaona wakati moja Elisha. A décimé des enfants. Aliacha ndugu zinakula watoto wote. Vous vous rappelez? Mnakumbuka? Quand il revenait de son établissement. Aliporudia ndani ya successeur au grand prophète Élie. Kama vile mgombozi wa nabii mkubwa Elia. Des enfants montent kokolo. Watoto wanaanza kusema kalupala, chauve monte, chauve monte. Kalupala. Ah. Il est établi, hein? Ça m'échimikwa. Il vient d'avoir l'onction. Ça m'épata mafuta. On joue pas avec, hein? Hawachezake nayo. Il s'est retourné. Aligeuka tu. Et il a dit quoi à eux? Aliwaambia nini? Et nous c'est venu de nulle part. Na dubu ilitokea mahali ambapo hatujui. Et ça les a massacrés. Na ikawamaliza. Pourquoi? Sababu gani? Vous avez insulté un homme établi. Mulimtukana mtu ambaye ameshimikwa. On joue pas avec. Hawacheze pamoja naye. On touche pas. Hawagusake. Je voyais cette réalité des archois. Je voyais cette réalité de l'Église. Vous savez, mes frères, Dieu a établi l'Église pour que les principautés, les pouvoirs, les autorités, les dominations connaissent par l'Église la sagesse infinie, infiniment variée. connaissent par l'église. Wajue kupitia kanisa. Pas le genre d'église que nous vivons ya misa misa hii. Haiko kanisa ambao tunaishi kama hivi. C'est une église composée des hommes et des femmes établis. Ni kanisa ambalo linaundwa na wanaume na wanawake. Et qui fonctionne dans cette casquette, qui fonctionne dans ces manteaux-là. Ils sont établis. Wameshimikwa. C'est-à-dire quand des choses arrivent à un homme établi, ni kusema mambo inapomfikia mtu ambaye ameshimikwa. Il fonctionne comme un homme établi. Anatumika kama aliyeshimikwa. Il sait que ça je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas tolérer. Il sait que ça, Satan, tu n'as pas le droit de le faire. Et il opère. Alors les principautés, les pouvoirs et les autorités connaissent par l'église, se rendent compte par l'église la sagesse de Dieu. Les mystères de Dieu, les capacités de Dieu, les merveilles de Dieu, la gloire de Dieu. Pour faire quoi avec? Afin que finalement ils se rendent compte que ce Dieu-là, c'est le vrai Dieu et qu'il faut les laisser partir. Laissez ces gens aller chez Dieu. Tu peux trouver quelqu'un, les démons en train de le malmener, de le molester. Tu es un homme, une femme établie. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es un membre du royaume de Dieu. Tu règnes dans le royaume de Dieu. Il est écrit, nous régnerons avec lui. Mais comment lui règne? Nous avons vu comment il règne. Même la mer et la tempête lui obéissaient. Pouvez-vous imaginer que c'est les vagues, on est dans les Tanganyika ou des lacs Kivu, et puis ça commence à monter, on va bientôt faire naufrage. Et un monsieur qui dormait s'élève, élève la main et dit, tempête, tais-toi. Et la tempête, ah, c'est qui celui-là? C'est un homme établi. On l'appelle Jésus. Il est établi. La tempête sait. Les esprits des tempêtes et des vagues savent que le monsieur qui vient de se réveiller là, il est établi. Hein? S'il ose parler, c'est fini pour nous. Tempête, tais-toi. Mawimbi simama, et puis elle s'était. Na inanyamaza. Tu es comment? Uko namna gani? Je suis établi. Nimeshimikwa. Pour sauver l'humanité. Ili niokoe wanadamu. Je suis venu ici sur la terre. Nimekuja hapa duniani. Pour sortir les hommes. Ili niwaondoe watu. Du joug de ces messieurs-là. Toka nira ya ule mtu. Comment tu penses que ça va marcher? Lakini namna gani unaona ya kwamba itaendeka? Si c'est quelqu'un d'autre. Kama ni mtu mwingine. Il va dire tempête mutuache ko. Atasema tempête, laisse-nous un peu. Niko na batoto kidogo. S'il te plaît, j'ai des petits enfants. Que kukufa sahi. Je ne veux pas mourir à ce moment. L'établissement vous permet kushimikwe na kuwezesha d'interagir avec les circonstances et les temps. Upambane na majira na wakati. Avec autorité. Pamoja na nguvu. Avec autorité. Pamoja na mamlaka. L'établissement permet kushimikwe na kuwezesha de savoir qui tu es. Utuwe wewe ni nani. De savoir quels sont tes droits. Utuwe haki zako ni gani. Et de savoir qu'est-ce que Dieu t'a permis de faire. Na utuwe nini Mungu amekuruhusu ufanye. Ma prière est que chacun de nous ombi langu ni kwamba kila mmoja wetu soit établi. Ashimikwe. Un jour siku moja, les disciples, wanafunzi, les hommes sont venus dire à Moïse. Watu walikuja kumwambia Musa. Il dit Moïse. Wanasema Musa. Tu sais quoi? Tu as prié pour les anciens du peuple. Pour que l'esprit qui est sur toi aille sur eux. Mais j'étais dans les champs là-bas. J'ai trouvé deux messieurs en train de prophétiser. Alors qu'ils n'étaient pas à la réunion. Or, ils étaient absents. Ils étaient parmi ceux qui devaient être loin ce jour-là. Quand Moïse a libéré son esprit, libéré l'esprit de Dieu sur lui, ils ont eu leur part au champ. Et ils ont commencé à prophétiser là-bas. Ils ont été établis là-bas. Alléluia. Amen. Cette histoire est terrible. L'histoire de l'établissement, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas facile. C'est un problème grave. En fait, Dieu est en train de vous transformer en des hommes et des femmes graves. Je ne sais pas si quelqu'un me dit. Dieu est en train de vouloir bâtir un peuple terrible. Un peuple qui sait qui il est. Des hommes et des femmes qui savent. Et qui fonctionnent comme tels. Qui a conseillé à Josué d'arrêter la lune et le soleil? On les chante ici de manière simple comme ça. Si tu n'aimes pas, tu. Allez-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Allez, s'en est l'agneau, soleil avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. On ne prend même pas conscience de ce que c'est. C'est un homme établi. Qui est dans l'opération, dans les opérations militaires. Il doit terminer la guerre. Il n'a pas prié pour dire Dieu, la journée est terminée. Comment tu trouves? Non. Il a tout simplement opéré dans le manteau de son établissement. Je dois finir cette guerre. Les temps et les circonstances doivent coopérer. Doivent coopérer. Hein. Jusque les créatures doivent coopérer, collaborer. Le soleil doit collaborer avec moi. Le soleil doit se soumettre. Le soleil doit apporter sa contribution à l'homme établi. Soleil, j'ai besoin de lumière pour finir avec mes ennemis. Le soleil dit d'accord. Je fais un break jusqu'à ce que tu termines l'affaire. Je ne sais pas si le soleil lui a dit, ok, quand tu termines, tu me fais signe. La nature peut collaborer avec un homme établi sans même que tu aies prié. C'est prévu dans ton établissement. C'est prévu. Et Dieu était en train de me dire, le peuple, mon peuple, regardez, bâtir un peuple. Oh. Mon peuple doit prendre conscience de ça et commencer à fonctionner comme ça. Afin d'accomplir la mission. Ce n'est pas pour le plaisir. Vous savez, si aujourd'hui tu es même loin, fois 15 ou fois 1000, et que tu veux faire arrêter le soleil, si tu n'es pas dans le mandat en question, le soleil va continuer bonnement sa route. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sens que tu en as besoin? Je unasikia kwamba unahitaji. Ça fait peur, hein? Moi, ça m'a fait peur. Mimi liniogopesha. J'ai dit, hey, Seigneur, tant que je suis établi, Bwana ni kusema nimeshimikwa. Comme pasteur. Kama vile mchungaji. Vous savez les contenus d'être établi comme pasteur? Ya kushimikwa kama mchungaji. Père, mes brebis. Ulisse kondo wangu. Prends soin de mes agneaux. Ushughulikie uhudumie wana kondo wangu. Prends soin de mes agneaux. Utunze kondo wangu. Père, mes brebis. Uchunge kondo wangu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'à toutes les nations pour servir de témoignages. Puis viendra la fin. Tout pouvoir m'a été donné. Allez. Dans les cieux sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est difficile. Paix mes brebis. Uchunge kondo wangu. Et puis une brebis vient. Na kisha kondo inakuja. Elle dit je suis malade. Anasema ninagonjwa. Je fais comment? Nitafanya nini? Hein? Je fais comment? Dieu a dit. Mungu alisema. Paix mes brebis. Chunga kondo wangu. C'est pourquoi écoutez. Quand vous venez voir les hommes de Dieu. Wakati mnakuja ona watu wa Mungu. Prenez aussi conscience qu'ils sont établis pour ça. Mtukue zamiri ya kwamba wameshimikwa. Et croyez à toute parole et tout geste qu'ils vont poser. Na muamini kila neno na kila tendo watakaoifanya. Je pense qu'on va parler de la parole bientôt. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Ninawaza tunapaswa tu kuongelea juu ya neno siku zijazo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu viens chez l'homme de Dieu. Na unakuja kwa mtu wa Mungu. Il a prié pour toi. Amekuombea. Et tu ne crois pas. Na hauamini. Pourquoi tu ne crois pas? Sababu gani hauamini? Parce que tu ne connais pas le phénomène établissement. Sababu haujui tukio ya kushimikwa. Voyez un vieillard, un pasteur vieillard. Qu'on soulève sur les lits pour les mettre au soleil. Il a été établi pasteur. Quand il entre en retraite, le mandat ne se termine pas. C'est pourquoi. Les jeunes serviteurs ouins vigoureux là. Wale vijana watumishi ambao na nguvu. Ils vont courir au chevet de celui mourant. Wataenda kwenye kitanda chake anatafuta kukufa. Udi baba. Ili wamwambie baba. Nitilie mkono. Meta mesi moi. Ah. Mais il n'a pas de force. Hana tena nguvu. Mais c'est un mandaté. Lakini ni mtu ambaye ametumwa. C'est un établi. Ni mtu ambaye ameshimikwa. En réalité, il n'a pas de force dans les muscles. Hakika hana nguvu ndani ya mishipa yake, ndani ya miungo. Mais il a la force de son établissement. Lakini anakuwa na nguvu ya kushimikwa kwake. S'il peut encore parler. Kama anaweza tena kusema. Si son mâchoire peut même encore bouger ses lèvres. Kinywa chake tena kinaweza kuinuka. Et même s'il ne peut plus bouger la bouche. Na hata kama hawezi kutikisa tena kinywa chake, ni mtu ambaye ameshimikwa. Qu'il soulève cette main ballante et qu'il mette sur ma tête, même s'il ne va pas finyanger ma tête. Même s'il ne va pas aller au parc, même s'il n'est plus capable de le faire. Mais il est pleinement établi. Il est pleinement rempli. Il est pleinement chargé. Il est pleinement chargé de Dieu. Pour les communiquer aux successions. Il est plein. Il est plein. Mais quand je le vois, il est fatigué. Il est foutu. Il est foutu dans le corps. Mais il est plein dans l'esprit. Il est plein dans son établissement. S'il dit, ton ministère c'est fini ici, ça sera fini. S'il dit, Dieu prend ce jeune homme et part avec, l'esprit qui est en lui va sur toi, mais ça ne sera presque pas épuisé peut-être. Je vous ai parlé de cela hier ou le samedi. Quand Dieu donne, le stock ne devient pas vide. Oh, il a déjà prié pour beaucoup de personnes. L'onction a diminué, non. Plus il donne, plus Dieu recharge. Dieu recharge. Dieu recharge. Alors écoutez-moi. Nous sommes dans une campagne avec Dieu pour essayer de comprendre cette vérité-là. Et que chacun de nous, dans la place où Dieu l'a établi, dans la mission que Dieu lui a établie, prenne conscience de cette réalité et commence à fonctionner sur ses bases. C'est pourquoi écoutez en détail ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Naweza kumshangilia Bwana. Maintenant, sasa. Je vous ai dit pendant la semaine, quand tu suis une formation, wakati unafuata mafundisho, en sachant tu vas l'appliquer à quoi, ukijua utaitumikisha kwa nini, tu la comprends mieux. Unaielewa vizuri. N'est-ce pas? Sio hivyo? De même, quand tu comprends, quand tu sais en quoi Dieu t'appelle et que tu suis ce programme du tournant décisif et tu suis ces enseignements, ça ira mieux pour toi. Celui qui vient juste parce qu'il a une requête qu'il veut présenter à Dieu et puis on va lui répondre, il va rien retirer de ce programme. Savez-vous que certaines requêtes, ont leur exaucement dans l'établissement des uns et des autres. Dieu a déjà largué une armée des hommes et des femmes établis. Et lorsqu'il est là, il les a largués, il les a établis pour résoudre ce genre de problèmes. La réponse pour la finalisation de la guerre de Josué avec son ennemi, l'exaucement de sa prière était en lui-même. Il fallait qu'il se constitue et se reconstitue et se rende compte que je suis en fait établi par le Seigneur et la nature doit se soumettre. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas parlé, aussi longtemps qu'il n'a pas donné l'ordre, le soleil a continué sa course. Tu as des réponses de quelqu'un, mais aussi longtemps que tu n'entres pas dans ton manteau d'établi pour commencer à libérer les solutions, Eh bien, les problèmes et les requêtes des autres vont continuer leur course. Il est possible même que Dieu repousse certaines requêtes du haut de son trône en disant, pourquoi vous m'embêtez? Les réponses à ça, je vous avais déjà donné ça. Si mwambiane, il faut seulement vous dire si kila mutu aingie murole yake, que chacun entre dans son cœur. Munanisumbua na marekete hii. Vous m'embêtez avec ce genre de requêtes. Il attend que quelqu'un rentre dans son établissement et parle et entre dans son établissement et agisse. Entre dans son établissement et pose un acte et ta requête est exaucée. Il attend par exemple que quelqu'un pose la main sur toi parce que la solution de ta maladie est dans sa main. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas soulevé sa main pour mettre sur toi, tu restes malade. Ta maladie ne va pas sentir son antidote dans la main du voisin. Il faut que ce voisin-là prenne conscience de son établissement et libère ce qu'il détient sur ta maladie. Et la maladie entend et dit, ah, c'est l'épée en question. Et la maladie meurt. Et la personne est guérie. Souvent, quand nous lisons Matthieu, chapitre 10, verset 1, il envoya les apôtres et puis il leur dit, allez, guérissez les malades. Vous, il ne dit pas allez, priez pour les malades. Avez-vous déjà observé ça? Un homme va guérir les malades. Pourtant, c'est ce que Jésus a dit. Allez-y, guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Pas priez-moi pour que je ressuscite les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Et les chrétiens ont pris la dernière partie là. Chassez les démons. N'est-ce pas que ça nous avons pris? Si, Dieu, tu on dit, il est possédé. Oh, allez, ouais, Pepo. Ouais, Pepo, toka. Ouais, Pepo, toka. Mais nous disons rarement. Ouais, magonjwa, toka. Toi, maladie, sort. N'est-ce pas? Nous disons rarement. Mot de tête, toka. Tu n'as pas kidogo tu. Ouais, qui tu toka. Mais quand c'est un démon, nous disons démon de sorcellerie, allez, va-t'en. Oh, pepo ya uchawi, toka. Et ils obéissent. Na wanati. Or, c'est dans la même phrase. Itapokuwa hiyo, hiyo ndio msemo. Est-ce que vous pouvez lire ça encore? Si mnaweza kuisoma tena. Attends, mets le verset 7 pour qu'on comprenne là où ça vient. Weka mstari wa saba tuelewe natokea wapi. Remonte. Remonte à 6. Unaweza kupanda tena kwa 6. Allez plutôt ébrayer la maison d'Israël. 7. Allez prêcher Muhubiri. Et dites le royaume des cieux est proche. 8. 8. Guérissez les malades. Ressuscitez wagonjwa. Les morts. Mwafufue wafu. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu. Mumepokea kwa bure. Vous avez reçu quoi? Mumepokea nini? Les résurrections, ufufuko, les guérisons, uponyaji, les purifications des lépreux. Utakaso vous wakoma. Les avez reçus gratuitement. Kwa bure. Donnez-les na aux pia, autres kwa wengine, gratuitement. Kwa bure. Maintenant, suivez-moi. Sasa munifuate. Les malades, wagonjwa, les malades en question, wagonjwa wale, il est en prière. Ule mgonjwa iko ndani ya maombi. Il demande la guérison. Na iko naomba uponyaji. Il dit quoi? Iko nasema nini? Dieu. Oh Mungu. Guéris-moi ko. Sunisi omuponye. Imagonji me kawia. Cette maladie a duré. Oh Dieu. Eh, Mungu. Et Dieu dit, na Mungu anasema, j'avais déjà donné ta guérison à quelqu'un wako, qui a été établi. Kwa mtu ambaye amesimikwa. Va lui chercher. Il a reçu gratuitement la guérison à distribuer. Na ile, ule qu'il donne ça gratuitement aussi. Mais pendant ce temps, celui qui avait reçu cette guérison, il se promène avec. Dites à ton voisin, libère mes guérisons. Libère mes bénédictions. Libère mes résurrections. Libère. Il y a des choses qui doivent ressusciter dans le corps de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui détient ça. Tu avais reçu ça gratuitement. On a chunga nini, on y a tié yangu. Donne-moi ma part. Tu attends quoi? Ni a tié biangu. Donne-moi ma part. Ni pe biangu. Donne-moi ce qui m'appartient. Alléluia. Amen. Bon, je pense qu'on va parler du processus demain. Lèvons-nous, on va prier. Nikiwaza kesho tutazungumzia tu, tusimame tutaomba. Lèvons-nous. Tusimame. Il faut qu'on prenne le temps pour prier. Inomba tuchukue muda kwa kuomba. Alors que chacun de nous, kila mmoja wetu, essaye de retrouver dans quel terrain Dieu l'a établi. Apime atafute na apate. Quel est le chapitre de ton établissement? Ni nini kipengele ya kushimikwa kwako? Est-ce que tu peux essayer de prier Dieu? Je unaweza kupima muombe Mungu. Est-ce que tu peux essayer de demander la grâce? Je unaweza kupima muombe Mungu. Et dire Seigneur, ya kusema Bwana. Je pense que je n'ai pas encore très bien compris. Nafikiri sijaelewa vizuri. Nous voulons prendre le premier moment de notre prière. Tunatafuta kuchukua wakati wetu wa kwanza ndani ya maombi. Mon frère, ma sœur, je te le dis de tout mon cœur. Ndugu yangu, dada yangu, na kuambia kwa moyo wote. Les choses que Dieu nous réserve là là demain là. Mungu mambo ambayo Mungu anatutayarishia pa kesho. Tu vas t'étonner de toi-même. Utajishangalia wewe mwenyewe. Utanza jishanga. Tu vas commencer à t'étonner de toi-même. Alors nous voulons prendre le temps. Tunatafuta kuchukua muda. Nous allons d'abord prier encore pour nous-mêmes. Des personnes de bonne qualité. Ambao tutaomba tukue watu wa hali nzuri. Uniongoze. Nous allons prendre 10 minutes pour prier pour nous-mêmes. Ensuite, on va passer dans les autres requêtes. Moyo wangu na kuitaji ni ongoze ni fike salama Mungu wangu. Uniongoze, bado nakuhitaji. Uniongoze, Yesu, kiongozi mwema. Moyo wangu nakuhitaji. Uniongoze, nifike salama. Kiongozi mwema, moyo wangu wakuitaje, niongoze nivuke salama, Mungu wangu niongoze. Ulisema naposhindwa nikuite. Nisikie ulisema naposhindwa nikuite leo, hivi leo nakuita. Olisema na posindwa anikui. Commence à prier le Seigneur, vas-y dans la prière. Vas-y dans la prière. Prie pour toi vraiment. Prie long et profond. Oublie qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Oublie-le. C'est toi avec Dieu maintenant. Tu pries long et profond. Quelqu'un crève devant Dieu. Quelqu'un crie devant Dieu. Vas-y. Il ne rejette pas celui qui s'approche de lui. Ça fait longtemps. Tu peux dire assez, c'est assez. J'ai longtemps erré. J'ai longtemps navigué en vide. J'ai longtemps opéré en vide. Maintenant, mon Dieu, me voici. Touche-moi.